Et ben celui qui s'est essayé à l'absence de consommation. Non. Oui. Et puis, tu as essayé de ne plus manger de viande pendant un temps, c'est Guillermo Guy. Tout à fait, j'ai réussi. Ça va les amigos? Oui. Ouais. Alors vous me connaissez, je ne parle jamais de ma vie personnelle dans cette émission, à part dans mes chroniques. Oui. Mais sinon, pendant le reste de l'émission, hein, est-ce que je ne suis pas dans une forme de pudeur? Tout à là, fait. Là par exemple, ça fait 20 minutes que Jacques Attali parle. Alors, moi, forcément, je suis tenté de dire oui, moi aussi, je suis très alimentation. J'aime bien les Twix, mais pas que. C'est fou. J'ai un peu connu François Mitterrand aussi. Moi, c'est fou quand tu le voyais, il était trapu. Mais je ne suis pas comme ça. Je sais que l'émission n'est pas centrée uniquement sur moi. Je le sais. Voilà, c'est un choix éditorial, naturellement. Alors, est-ce que France Inter va le regretter? Rien, peut-être. Je dis juste qu'à un moment, l'auditeur il est pas dupe, il se dit oui, ok, Jacques Attali, il a conseillé les plus grands, hein, René Coty, Raymond Domenech, Marie-Ange Nardi, mais Ernesto, hein, Ernesto dans tout ça. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai lu un truc sur un phénomène qui se diffuse depuis la Suède, ça s'appelle le Flixcam. Et vous allez me dire, ah, encore une transition où on se dit, tiens, elle est où la transition? Et tout ça avec nos impôts. Alors attendez, vous voyez ce que c'est le Flixcam? Non, en suédois, non. On dit le Flixcam. J'ai des origines suédoises en fait via ma grand-mère qui a longtemps vécu à 400 mètres de chez Ikea. Et alors vous voyez, non mais c'est vrai, si je parlais plus souvent de ma vie personnelle, eh ben, vous le sauriez, mais c'est de pudeur. Et le Flixcam en Suède, littéralement, c'est la honte de prendre l'avion dans un contexte de réchauffement climatique. À ne surtout pas confondre avec le Fixcrum qui désigne la honte de prendre l'avion, mais dans un contexte de quand t'as une gastro-entérite. Alors, cette technique, évidemment, mais les Suédois, ils ont besoin d'un vocabulaire riche parce qu'ils sont très à l'écoute de leur vie intérieure. Nous, moi, hein, tu vois, j'aime mes enfants, j'aime le roquefort. En fait, c'est le même verbe, on se contente de ce qu'on a. Mais en Suède, t'es là, ah, Kenneth, tu n'as pas l'air dans ton assiette, tu as quoi? Tu as le Flixcam? Ah, bah, absolument, Lars, comment tu le sais? Ah, bah, ça se voit à fond que tu as le Flixcam. Eh bien, la preuve, c'est qu'il y a non seulement un mot. Il y a un mot pour désigner la honte de prendre l'avion, mais aussi un mot pour désigner la fierté de prendre le train dans un contexte de réchauffement climatique. C'est l'opposé du Flixcam, c'est le train brag, c'est vrai. Cette technique, ce qu'il ne faut surtout pas confondre avec le train scrum, qui est évidemment la fierté de prendre le train quand tu es une coquille Saint-Jacques. C'est vrai, si tu es une coquille Saint-Jacques, je dis si tu arrives à prendre le train, tu peux être fier. Oui. Ah oui, ah oui. Déjà parce que quand tu es. Ah non, non, non. Quand tu es une coquille Saint-Jacques, 9 fois sur 10, tu n'as pas de carte de crédit. Alors, bonne chance pour réserver en ligne. Mais chez les humains, ça va quoi, prendre le train. Moi, je suis phobique de l'avion. J'ai jamais été fier quoi de prendre le train. Chaque année, les gens me font, tu vas où cet été? Je dis, moi, tu sais, l'avion. Ah bah, du coup, je vais aller à Tours. Hein, j'aime bien les voiries. C'est de la belle ouvrage. Vraiment. Mais si j'avais su que je pouvais être fier de prendre le train, j'aurais fait, je vais à Tours parce que j'ai les train brag. Et il y a une belle basilique. Eh bien, c'est précisément pour ça que je vais pas à Bangkok. À propos de Bangkok, on salue Nagui. J'espère que ses problèmes avec ses employés sont réglés là-bas. N'empêche qu'un Paris-Bangkok, en première classe, c'est 11 tonnes de CO2. À la façon de Nagui, en plus, quand tu exiges d'être seul dans l'appareil avec les hôtesses sans les pilotes, c'est encore plus. Alors le train, c'est des dizaines et des dizaines de fois moins polluant. Le problème, c'est qu'en train, Paris-Bangkok, ça dure le temps d'une puberté. Vraiment, t'as l'intérêt à avoir accumulé des congés, quoi. Et donc, dans l'article, il y avait un Suédois qui expliquait, il disait, à Pâques, on part à Turin depuis la Suède, l'aller, c'est 37 heures. 37 heures de train. T'imagines, t'arrives et t'aimes pas trop l'hôtel? Tu dois être déçu, hein? Ou pire, t'aimes bien l'hôtel après 37 heures et tu dis, oh, c'est joli, c'est dommage qu'on doive retourner à Stockholm dans une demi-heure. Quoi. Vraiment, c'est un chouette city trip en tout cas. Mais moi, chaque fois que je viens de Bruxelles en Thalys, je consomme 5 kilos de CO2. 5 kilos de CO2 pour me faire humilier ici chaque semaine. Mais non. À ce tarif-là, je pourrais quand même vous parler de ma grand-mère. Allez, bonne émission. Bravo! Allez. Bravo, Guillermo! La bande originale. Sur France Inter. Ah, Guillermo, apparemment, vous êtes très client, là. Vous étiez mort de rire, là. Ah, j'adore. Je trouve que le mélange du réalisme et du surréalisme était génial, vraiment.